Non, c'est curieux, mais c'est bon. Oui, nous commençons dans quelques minutes. Veuillez patienter, mademoiselle. Nous allons décoller. Décoller. Décoller, là. Monter, monter, c'est ça. Décoller, monter, vous l'avez. Mais moi, j'ai le collet monté. Oui. La police aussi, hein. Ah, la police est montée, montée, montée. Tellement montée qu'elle est rendue au ciel. J'espère qu'elle ne redescendra pas, hein. Ah, il n'y a rien de plus suspicieux que ça, c'est. Hein? Il n'y a rien de plus. Ah, la suspicion, suspicion. Suspicion, suspicion. T'as-tu autre chose à dire? Oui. Suspicion, suspicion. OK. Alors, on peut peut-être commencer. Commencer quoi, la suspicion? Non, mais je veux juste te dire entre toi et moi. Oh, on est dans l'intimité? Oui, la plus chaleureuse. Tout le temps. T'es tout le temps chaleureux, mon Ricky. Réginal. Réal. Non, Rénal. Ah, oh, Rénal! Je l'aurais eu. Non, je l'aurais eu. Non, mais tu m'as pas laissé le temps. T'es comme ça, toi, dans la vie. Je t'ai dit, laisse-moi là. Non, je te l'ai pas dit. Mais en dehors, hors du micro, pendant, mais ah! Parce que tu sais, on a été enfermés. Les gens ne le savent pas, hein, notre histoire. Puis on peut-tu. Non, on commencera pas avant ça. Je vais te raconter. On a été emprisonnés ensemble pendant 2 jours dans un micro. Parce que cet individu exceptionnel que j'adore, qui s'appelle Reynald, c'est ça, Reynald? Oui. Alors, oui, es-tu certain? Oui. Depuis quand? Ben, depuis ma naissance. OK. Alors, je t'ai rencontré dans ce micro parce que lors de ton anniversaire, hein, de tes. On dira pas ton âge. On peut. Non, non, non, on dira pas. On peut. Non, non, non, on dira pas. On peut. Oh non, on le dira pas! Ça reste un secret! T'aimes ça dévoiler des secrets, ouais! Le FBI, se la ferme la bouche! La police, la ferme la bouche! Toutes les institutions médiatiques, ils se la ferment la bouche, ils te font croire des informations qui sont même pas, qui sont peut-être, qui sont arrivées, mais qui sont pas importantes pour l'avenir de l'humanité, puis toi, t'es en train de dégober. Non. Pourquoi? Mais moi, je lis pas les journaux. Je sais pas pourquoi vous êtes aussi. Je suis pas aussi! Mais quand je te voyais aller, mon champion, on était ensemble dans un micro. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais on peut-tu partir le générique? Vous avez une chaleur, hein? J'ai une chaleur au niveau frontal. Ben, ça, on appelle au niveau du front. Mais front, c'est frontal. Oui. T'es toujours en train de me contredire. Quand j'étais dans le micro, est-ce qu'on peut raconter l'histoire du micro? Ouais, mais après le générique. Aujourd'hui, oui, ça promet, hein? J'espère. Aujourd'hui, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. Mon kiki. Mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Standing by your window in pain, pistol in your hand, and I beg you, dear Molly girl, try and understand your man the best you can. Across the great divide, just grab your hat and take that. Turn it all away. Alors, nous avons eu des appels pendant les deux chansons. Effectivement, ils veulent savoir l'histoire! Ben, attends un peu, là. Attendez un peu, excuse-moi, là. On se connaît pas vraiment. Ben, on se connaît, mais... Non. L'histoire du micro. Je vais rester calme. Oh, c'est rare. Parce que lorsque vous étiez dans le micro... Non, j'étais pas calme, j'étais enfermé. Moi, je suis pas capable. T'es pas capable de? Vous êtes pas capable de? Est-ce que non, tu peux me tutoyer? On a vécu tellement de temps dans un micro! Ben oui, mais là, le public connaît pas l'histoire. Moi, le raconter! OK, mais restez calme. Moi, je vais rester calme. Mais tu sais que dans l'intérieur de quelque chose, lorsque je suis emprisonné, écoutez, à mon âge, je suis très, très jeune, là. À votre voix. Vous semblez. Je semble comment? Féminine. Très féminine. Et puis, écoutez, monsieur. Monsieur Grenier. Écoutez. Non, Gagnier. Grenier. C'est pas important. Et dites-vous quelque chose. C'est que je suis quelqu'un de très attentive et aussi, je vais vous dire, monsieur Gagné. C'est pas important, monsieur. Je vais vous dire que lorsque j'ai été dans un micro pendant des heures, des jours, des mois, des années, un siècle, je ne sais pas, mais j'ai été devant quelqu'un qui m'a tout expliqué pour me relaxer, pour me changer, et j'ai pas changé, je suis comme ça dans la vie. Ben oui, mais écoutez, peut-être que là, si vous voulez raconter, soyez calme. Je vais l'être. Premièrement, je suis très heureux de passer à mon émission. C'est mon émission. À votre émission, mais vous m'avez invité. Oui. Donc, vous êtes à mon émission. Oui. Ah oui, c'est pas ça que j'ai voulu dire, là. C'est pas parce que je dis des mots qu'ils sont véritablement... Je suis comme un politicien, moi. C'est pas parce que je parle que j'ai raison. Puis c'est pas parce que je monte la voix que je veux être élu. Ben, quoique, j'aimerais ça être élu. Pour? Ben, pour mon charisme. Votre charisme. Oui, mon charisme. Est-ce que c'est un charisme? Ben, c'est caca, riri. Charisme. C'est du charisme. Moi, j'ai du charisme. OK. Bon, je connais pas ça, là, mais... Voyons donc, quand on dit... Hey, ce chanteur-là a du charisme. Non, c'est pas du charisme, c'est du charisme. Ah, ben là, écoute, moi, j'ai pas fait les grandes écoles, moi. Ben, quoique, j'ai fait l'école buissonnière plus longtemps que j'aurais voulu faire. Mais il y avait des petits garçons qui m'aimaient tellement. Parce que? Ben, j'étais très, très, très attentive à l'évolution du papillon. Oh, mon Dieu Seigneur. Mais là, est-ce que vous pouvez nous raconter? Ah, quand t'étais avec moi dans le micro? Ben oui. Mais je vais vous expliquer. À un moment donné, Errance Rénadienne a voulu faire une expérience radiophonique. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, mais les gens s'en souviennent pas parce que ça n'a pas été diffusé. Pourquoi? Mais on était, comme vous venez de le dire, on faisait une expérience. Une expérience radiophonique, donc on a fait un... Ben, il a fait fabriquer par des grands... Personne, là. Ben, des adultes. Ben oui, je veux dire des gens chevronnés. Ah, chevronnés. Des gens qui connaissaient le micro. Pas vraiment, mais qui connaissaient le fait de préparer et de nous présenter une sorte de sarcophage qui était dans une allure de radio, c'est-à-dire un micro. Et puis, on avait branché ça sur des consoles. Mais là, des consoles, j'ai... Non, mais c'était moi qui parle! C'est moi, je vais raconter l'histoire! Oui, mais je dis le côté technique, OK? Et puis là, quand on a branché les fils... Mais là, hey, veux-tu prendre la parole ou... Non. Après ça, je vais vous laisser aller, là. Calmez-vous, là. Prenez, vous avez un petit jus, là. Un élixir rénaldien. Ça, c'est... Je vais vous dire, vous savez que je brasse. Ah, toi, tu brasses des affaires, tu brasses des idées, t'es un gars extraordinaire. Arrête, là, on va se tutoyer. Arrête de dire des affaires qui sont pas vraies. Mais là, c'est vrai, mais les gens... OK, bon, OK. De un, je te propose une bière que j'ai faite, que j'ai brassée moi-même. Et toi, t'aimes ça brasser? Oui, j'aime ça brasser. Toi, t'aimes ça brasser? Ah oui, j'aime brasser. Et ça, c'est une bière blanche au champagne. Alors, je vais expliquer pourquoi le champagne. C'est la mixture de champagne. Mixture! OK. Mais c'est ce que vous allez goûter, c'est fait avec du... je peux pas trop parler, là, parce que sinon, je dévoile mes secrets. OK. Alors, il faut goûter. Bien, il faut goûter. Je vous en offre un verre. Et puis, ben c'est un verre de 650 millilitres. T'es-tu malade? C'est une blague. C'est une blague, pas 650 millilitres. C'est 1,5 litre. 1 litre? À combien de degrés? Degrés d'alcool? Oh, vous connaissez les degrés? Mais voyons donc. Écoute, pendant que j'étais dans le micro avec toi, tu m'as tout raconté, là. Un jour, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, achète-toi des affaires, puis là, il t'a abandonné, puis il t'a décidé toi-même de brosser ta propre bière. Bon, c'est vrai? Oui. Et puis, non, mais je dis rien de faux, là. Non, non, vous êtes dans la vérité absolue. Oh! La vérité absolue que c'est beau. Ça, c'est un chemin qu'il faut prendre parce qu'il n'y a pas de brindille, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de garnottes. Surtout pas de garnottes, mais dans ma bière... Non, non, non. Laisse-moi t'expliquer l'histoire. Oh oui, OK. Après ça, excuse-moi. Là, parce qu'on a des difficultés, là. Apprends avant, hein? Ça, c'est l'avant puis l'arrière-plan. Mais la voix change aussi. C'est ça, la différence. Ben oui, la différence, les gens l'ont reconnu. La différence, c'est CORL. C'est la diffusion. C'est ça, la différence. Ça peut pas passer ailleurs. Non, ça, c'est sûrement vrai. Et puis, là, oui, je vous propose donc une bière à la levure de champagne. Oui, oh! Là, tu viens de trouver le mot. Ben, je l'ai trouvé parce que j'ai lu le petit... parce que moi, j'ai un livre qui détient tous les secrets de ma bière, parce que si je l'aime, je peux la reproduire, mais pas véritablement, puisque la chaleur ambiante peut modifier tout ce que j'ai fait. Tout ce que tu as fait. Tout ce que j'ai fait. Et puis, ben c'est ça le problème. Ou c'est ça l'intérêt. C'est vrai là, c'est bon là, puis après, ça peut être autrement. Ça peut être aussi bon, aussi sublime, mais dans une autre ordre d'idée, puis avec un taux d'alcool tout à fait inapproprié. OK, fait que toi, tu es aléatoire. Non, mais aléatoire, c'est un mot très... très évasif. Non, non, aléatoire, on sait jamais. Hein, ça peut être bon, ça peut être pas bon. Non, non, non, c'est tout le temps bon. Parce que je prends des produits vraiment numéro un. Là. Tu sais, j'ai appelé les grands de ce monde. Des grands de ce monde? Ben, Joseph Free. Joseph Free, le grand Joseph Free! Ah ouais, hey, tu connais Joseph Free? Hey, Joseph Free m'a dit, si tu rentres dans un micro avec Rénal, attends-toi à avoir du plaisir. Et puis? Oh, j'ai cherché le plaisir. J'ai cherché le plaisir pendant... Pendant tout le temps que j'étais avec toi. Mais je veux te dire une affaire. L'idée était bonne. De me trouver dans un micro avec toi parce qu'on devait faire des 10 questions de la fin. Oh, là, si les gens écoutent Errance Rénaldienne, connaissent les 10 questions de la fin. Ouais, mais faudrait peut-être les chercher. Quoi, les 10 questions de la fin? Non, les gens qui connaissent les 10 questions de la fin. Ben voyons. On va les poser, les 10 questions de la fin. Puis j'aimerais que le public... Les auditeurs répondent eux-mêmes aux 10 questions que je pose à mes invités à chaque année. Et pour ça, écoutez, je vous offre un prélude musical. Mais écoutez, c'est le groupe The Band. In my sleeping bag, but all you wanna do for me, mama, is bang, mama, bang. There's nowhere to go. de mes rencontres radiophoniques sur CKRL, tous les artistes parisiens et autres, parce qu'ils ne sont pas juste de Paris, ils viennent de partout. Je leur pose 10 questions, mais là, il y en a 11, parce que à un moment donné, durant mes compositions, il y a une phrase qui s'est rajoutée vers la fin. Donc, mais l'introduction, je ne leur ai jamais proposée. C'est-à-dire, ce que j'ai écrit, je vous propose 10 questions qui vous métamorphoseront en une multitude de variantes. Je répète, je vous propose 10 questions qui vous métamorphoseront dans une multitude de variantes. Mais c'est pas comme ça que j'aborde le sujet parce qu'on vient de parler, ça fait 50-60 minutes qu'on est ensemble. On a eu des divulgations intimes, intéressantes. Donc, je leur dis, j'ai 10 questions et j'aimerais bien savoir vers où cela nous amènerait, où va nous amener. Alors, entre nous, vous êtes des invités, vous êtes mes auditeurs. J'aimerais que vous écriviez les questions et que vous me répondiez via mon courriel. Ce serait super intéressant. Alors, je vais faire comme une dictée, mais très, très brève. Là. Ça ne sera pas « Ah non, on va lâcher, on va écouter autre chose. Ah, » Non, parce que celle que je rencontre, c'est une fille extraordinaire. C'est Tibenio. Fait que, faut pas la négliger. Faut l'écouter. Elle a des belles chansons à nous faire proposer et surtout, elle a un univers et elle a une voix sublime. Fait que. Fâché, Rénal. Ben non, t'es fâché, tu sais même pas ce qui va arriver. Les gens vont te répondre, j'espère. Alors, je vous donne avant, là, prenez un crayon et un papier. Là, j'aurais dû dire ça avant, parce que le problème, c'est que vous n'en trouvez pas actuellement. Hey, crayon papier. Oui, je sais. Heureusement que c'est pas ciseaux papier. C'est-tu l'histoire, ciseaux papier? J'ai jamais joué à ça. J'ai jamais compris ciseaux papier. Ciseaux. Combien sont ces ciseaux, ces sont-ci? Ciseaux. Ce sera plus 6 cents depuis le temps. C'est 20 piastres. Ces saucissons aussi sont 20 piastres. Es-tu capable de... Peux-tu couper la... Peux-tu payer de 1? Peux-tu couper la tranche en 2? C'est-à-dire, peux-tu diviser tout ça? Combien ces saucissons sont chers en 5, s'il vous plaît? Mais écoute, on t'a pas dit le prix des saucissons aussi. Ben oui, ils sont 6 sous! Ben oui, mais à l'époque, 6 cents. C'était quelle année? C'était 1833. 1833 avant la Révolution! Bien, avant la Révolution sibélienne, qui s'est produite, bien sûr, dans la Métaurinie, mais tout près de la Ciborge. Mais la Ciborge a été reconnue coupable de toutes ces infrastructures qui, à un moment donné, leur a donné une véritable rencontre avec le peuple. J'ai rien compris. Non, mais ça, c'est un moment pour que les gens... Sinon, je pourrais passer une chanson. Ce serait peut-être mieux. Là. Hush now, don't explain. You've been out there raising Cain. I'm glad you're back. Don't explain. Quiet. Just the same. Skip that lipstick. Don't explain. You should know I love you. but love endures. All my thoughts are of you. I'm completely yours. I cry to hear folks chatter, 'cause I know you cheat. But right or wrong don't matter. Explain. You're my joy and pain. My life is yours, love. Don't explain. Sublime. Ah oui, Suzy Arioli. Alors, mes questions sont les suivantes. Après tout ça, je suis certain que j'ai fait en sorte que des enfants viendront au monde grâce à cette chanson-là. Merci, merci. Dites-moi-le. Soyez sincères. Hey, moi, là, écoute, j'ai écouté ta musique. C'était super intéressant. J'ai été tellement dans la vibration que mon épouse et moi, nous étions en exclamation et puis nous avons peut-être créé un enfant. Mais dites-moi-le, OK? Alors, je vais vous donner mon adresse, pas pour juste me dire si vous avez eu des intérêts. Hein? Bon, R-A-Y, Serenal Québec en passant. R-A-Y-N-A-L-D-Q-U-E-B-E-C à commercial@hotmail.com. Je le répète, Rénal Québec, R-A-Y-N-A-L-D-Q-U-E-B-E-C à commercial@hotmail.com. Alors, mes questions sont très simples devant les artistes, mais après une discussion aussi intime, ça leur redonne une vivacité. Voilà. Si vous étiez un liquide, écrivez ça, là, hein, je vous l'ai dit, là, vous avez un crayon, un papier. Bon, si vous étiez. Puis vous avez le temps de. Réfléchissez pas trop. Prenez la question, puis après ça, ben, vous. Si vous avez des feuilles lignées, c'est plus facile, hein? Une feuille lignée, vous posez la question, je pose la question, vous laissez la base libre en bas. Après ça, vous reposez l'autre question, OK, la base libre. Ça va être beaucoup plus... Puis, vous pouvez aussi élaborer, là, si vous avez du vocabulaire, mais il n'y a pas de problème. Vous en avez, vous écoutez CKRL, vous avez un vocabulaire extrêmement répandu, tellement que, même quand vous fermez la radio, vous continuez à dire « Ah, c'était merveilleux, extraordinaire, c'était merveilleux, extraordinaire. » Mais vous êtes comme ça et nous vous aimons aussi dans cette situation-là. C'est pour ça que nous travaillons très fort, je travaille très fort, pour vous amener dans cette variante aussi extravagante. Bon, alors, si vous étiez un liquide, si vous étiez une ville... Si vous étiez une langue, si vous étiez une époque, si vous étiez un mot, si vous étiez un aliment, puis aliment, là, j'ai travaillé longtemps, parce que je disais aliment, si vous étiez un aliment, un aliment. Un animal. Là, après ça, j'ai dit un aliment. J'ai comme alimenté, tu sais, aliment. Ment, le ment, ment, aliment. Alors, c'est comme ça. Alors, si vous étiez un aliment, hein, ça se voit le travail, hein, après au moins 15 ans. Si vous étiez une saison, si vous étiez un membre corporel, si vous étiez un moment de la journée, si vous étiez un autre individu à choisir, est-ce que vous ferez... Écoutez, je l'ai écrit à la main, là. À choisir, est-ce que vous feriez le même chemin? Alors, si vous l'avez écrit, puis vous n'êtes pas certain, je le répète, une dernière fois, si vous étiez un liquide, si vous étiez une ville, si vous étiez une langue, si vous étiez une époque, oui, si vous étiez un mot, si vous étiez un aliment, si vous étiez une saison, si vous étiez un membre corporel, si vous étiez un membre, un moment de la journée. Si j'étais un membre de la journée, moi, un membre de la journée, je serais un membre suintant derrière un micro. OK, mais c'est pas ça. Si vous étiez un membre de la journée. Non, c'est pas ça! Voyons, donc, arrête de me dire des affaires. Si vous étiez un membre corporel, OK? Si vous étiez un moment de la journée, si vous étiez un autre individu à choisir... Feriez-vous le même chemin? C'est tout simple. Alors, aujourd'hui, nous poursuivons. On va faire l'introduction. Aujourd'hui, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de Florence Foin-Jonas. Et ça commence maintenant. Peur. You're alive. Why? Allô? Ah, t'attendais depuis longtemps? Oui, oh, je suis désolée. Oh, ben non, OK, t'étais à l'intérieur. Comment? Vous étiez à l'intérieur? Non, non, je viens d'arriver, j'ai eu un petit souci de... Ah, il n'y a pas de problème. Avec le bus et tout ça, les embouteillages. Préférez-vous rester ici? On se tutoie? Bon, oui, on se tutoie. Est-ce que tu préfères rester ici ou à l'intérieur? Non, ici, c'est très bien. OK, parce qu'il me disait que ça plombait pas mal, mais moi, ça ne me dérange pas. Moi non plus. OK, parfait, excellent. Ouais. Moi, sinon, on verra si j'ai l'air d'être chaud. Voilà. Mais si vous voulez vous bouger, vous venez vous bouger maintenant, en fait, parce qu'après, il va y avoir beaucoup de monde partout et on va avoir du mal à trouver une autre place. Non, non, on va rester ici. Hein. Oui, c'est bien, là. Ouais. Parfait. Qu'est-ce que je vous attends? Un Perrier... Badois rouge. Badois rouge? Oui. Il n'y a que ça. Il n'y a pas le choix. Non, non, bah non. Les frigos, ils sont comment? D'une certaine taille, on peut avoir toutes les références. D'accord, bah alors, Badois... Ouais, ils ont opté pour la Badois. En petit, c'est rouge et en grande, c'est les Badois vertes. Ouais. Elle est bien, madame. Je mets des glaçons et du citron. Voilà, exactement. Okay. Moi, je vais prendre un coup, là. Ok. Yes. Faut dire coca, sinon, c'est tout de suite d'où vous venez. Oui, ben oui, ben, il faut savoir aussi. Ça se devine un peu. Ben, oui, ben, légèrement, oui. Sinon, ça va. Mais oui, ça va bien. Pardon? C'est vrai que c'est pas si évident que ça. Ben, on m'a comparé à un Belge. Tabernacle! Non, non, non. Ah, ben ouais, mais peut-être que le physique. Ça, là, on dirait Gainsbourg. Vous avez quand un physique de Belge, mais vous avez un accent. De l'autre côté de Québec. Excellent. Non, mais parce que quand Gainsbourg est passé à Montréal, il disait juste hostie et tabarnak. Pendant une heure et demie d'entre vous. C'était merveilleux. Hein? Vous avez trouvé ça merveilleux? Stylieux? Ben, c'est Gainsbourg. C'est classieux. C'est classieux. Oui, classieux. Florence, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Il fait beau. Il fait beau, hein? Nous sommes directement sur la rue des Abeilles. Oui. Au soleil. Au soleil. Plein soleil. On se fait cuire. Plein soleil. Oui, plein soleil. 100% soleil, effectivement. Voilà. Non, mais ça donne un son plus intéressant. C'est pour ça que je préfère être devant le soleil. Oui. Ouais, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Tu as plusieurs vies dans une vie. C'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça qu'on se rencontre. Oui. Parce que tu as été photographe. De plateau. Oui. Un peu. Et photographe aussi. Oui. Là, maintenant, tu t'occupes d'un humoriste. Absolument. Il s'appelle Lim. Oui. Est-ce que c'est l'humoriste qui est venu vers toi ou toi qui as été vers l'humoriste? Ah, c'est une bonne question. Alors, en fait, on s'est rencontrés grâce à sa sœur, que je connaissais, voilà. Donc, dans une soirée. OK. Sa sœur que je connaissais depuis fort longtemps. Donc, en fait, ça s'est fait comme ça. C'est par la, pratiquement la famille, les amis. Enfin, voilà. Donc, c'est bon. OK. Donc, c'est à partir de quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Par sa sœur. Et qu'est-ce qui t'a attiré sur cette tête-là pour dire « Je vais m'occuper de sa carrière. » Qu'est-ce qui a fait que ça a décliqué? Il t'a fait rire pendant toute la soirée? Il m'a fait beaucoup rire, c'est vrai, pendant toute la soirée. C'est un personnage assez incroyable. Il est féru d'histoire. Il est passionné d'histoire et de plein de choses aussi, de politique, d'art. Il a une très grande culture. Et ça aide pour être humoriste quand même, ça ouvre les horizons. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Est-ce que c'est lui qui te l'a demandé? Alors non, moi j'allais au Festival d'Avignon il y a quelques années et lui allait présenter son spectacle, son one-man show au Festival d'Avignon. Donc il m'a dit, viens me voir, ça me ferait très plaisir, que tu viennes voir mon spectacle. Donc je suis allée voir son spectacle et j'ai beaucoup, beaucoup aimé son one-man show, enfin son spectacle qui s'appelait Le Soleil de la Taupe. Tu es tombé en amour, comme on dit chez nous. Avec tomber en amour, voilà. C'est très joli, ouais, c'est ça. Ouais. Et ça a été le coup de foudre entre toi et lui, dans le sens que tu voulais que ça soit vu le plus possible. Tu voulais que ce soit son meilleur spectacle, le prendre sous ton aile et surtout que tu as un bagage, donc tu connais le rouage un peu. Mmh. Donc tu as voulu le faire connaître aux autres. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Oui. Et par la suite, qu'est-ce qui t'a amené? Parce que là, toi, tu as fait la photographie, tu t'occupes d'un humoriste en communication aussi. Oui, je m'occupe aussi. Alors, pour continuer sur l'humoriste, oui. Donc nous sommes revus, on a passé une semaine, enfin je suis restée une semaine au Festival d'Avignon. On s'est vus tous les jours, on a déjeuné ensemble, on a dîné ensemble, je lui ai amené des amis qui sont venus voir le spectacle, enfin bon, bref, ça. Voilà. Et puis on s'est revus en septembre. Non, il a eu un accident, le pauvre. Il s'est retrouvé hospitalisé pendant plusieurs mois. Un accident de voiture ? De scooter. Donc il a été hospitalisé. Et je suis allée le voir à l'hôpital. C'était il y a 3 ans. Donc il s'est retrouvé un peu handicapé. Et comme il adore écrire, ça, il en a profité pour continuer à écrire. Ouais. Et il a écrit un nouveau one-man show. C'est là il m'a proposé. Il m'a dit, est-ce que Florence, tu souhaiterais travailler avec moi sur ce nouveau projet en fait, de one-man show. Et évidemment, j'étais tombée en amour. Voilà. C'est beau, hein. Donc j'ai accepté en fait, de travailler avec lui. Donc sur ce nouveau projet. Donc on a travaillé, donc il a écrit le texte, mais on l'a raccourci. Alors tu as mis ta main là-dessus, tu as voulu raccourcir certains trucs parce que ça durait 1h30, c'est beaucoup trop long pour un one man show. Enfin, normalement c'est 60. 60-70 minutes maximum. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc on a coupé en fait dans le texte. On a coupé dans le gras, comme on dit chez nous. Voilà, c'est ça. On a coupé dans le gras. Voilà, donc ce que je trouvais pas drôle, enfin, me disait ça te fait rire. Je dis non, je suis très bon public, mais je dis non, ça me fait pas rire. C'est pas drôle, enfin, c'est moins drôle que le. Il y a des choses plus drôles. Voilà. Est-ce que tu peux dire que tu as collaboré au spectacle, au texte, à l'écriture? Oui, on peut dire oui. Et c'est une fois que c'était pondu que toi, tu as mis ta main un peu là-dessus pour vérifier qu'est-ce qui était long, qu'est-ce qui était moins intéressant pour le public, donner un fil conducteur, des punchs, travailler des punchs. Oui, parce qu'après, je lui ai fait répéter son texte. Hein. Donc, on a travaillé, on a trouvé aussi ensemble parfois des choses qui venaient pendant les répétitions, okay. Plus drôles. On a beaucoup rigolé, on s'est bien vraiment beaucoup amusé. C'est bien quand on fait un spectacle d'humour de rire un peu, j'ai des amis humoristes qui, dans la vie, ne sont pas très drôles. Ouais. Et même en répétition, qui ne sont pas extrêmement drôles. Hein, est-ce que vous fumez par ici? Moi, non. Non, pourquoi? Enfin, le soir, mais est-ce que vous fumez? Un peu le soir. Hein. Mais là, tout de suite, aujourd'hui, là. Non, pourquoi? D'accord. C'est juste pour vous. Ah, c'est pour le. Là, tout le monde n'osait pas répondre. Oui, c'est genre. C'était louche. Mais quand c'était louche comme question. Je me suis demandé pourquoi est-ce que vous n'osez pas répondre? Non, mais c'était louche. Oui, c'est pas louche. Non, mais le questionnement. Je ne veux pas vous inciter. Non, mais je vais vous faire de la place. C'est rigolo. Non, c'est juste rigolo. J'ai une façon de poser les questions. C'est bien. Oui, exactement. Moi, je sais, vous savez, monsieur Dauphine qui vit au fond de moi. Et voilà. Ah, oui. Ah, ouais, il se change. Ah, ben c'est bien, c'est bien. Donc, le travail que tu as fait avec lui, c'était d'épuration, d'épurer, d'enlever. Oui, pour garder le jus rigolo et. Oui, c'est très justement dit. Et comment tu as vu son évolution du premier. Parce qu'on va en parler davantage, parce que c'est ton bébé. Hein. On sent que tu aimes travailler avec lui. On sent qu'il y a quand même beaucoup d'animosité. Beaucoup de liens, de collaboration. De complicité. De complicité, oui. Donc, mais qu'est-ce qui t'a. Qu'est-ce qui fait la différence entre son premier spectacle et son deuxième spectacle? Qu'est-ce qui t'a voulu changer chez lui? Ou ne pas changer? Je trouve qu'il se laisse, Alors, dans le premier spectacle, c'était, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé qu'il était un peu trop long. D'ailleurs, c'est ce que je lui avais dit. J'avais dit, ton spectacle, il dure 1h20, c'est trop long. Il faut le raccourcir pour en garder que l'essence. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait de temps mort. Donc, dans celui qu'on a travaillé ensemble, justement, on l'a raccourci à 1h. Et je trouve que... Il est plus... Je suis désolée. Non, il n'y a aucun problème. C'est plus ramassé. Okay. Justement, il n'y a pas de temps mort, donc c'est plus punchy. Okay. Et c'est important d'être que les gens ne s'ennuient pas, qu'il n'y ait pas de baisse de régime. Voilà. Il faut que ce soit pendant 1h. Et je trouve que là, les dernières fois qu'il l'a joué, il l'a vraiment... Enfin, Il le sentait bien. Je le trouve très bien. Je le trouve vraiment formidable. peu trop qu'il a cuit. Enfin, il est très bon en fait sur scène. Il donne vraiment beaucoup. On va venir le voir. Oh, Or did another lost angel? City of night, city of night, city of night, city of night. Woo! Sadness. pas dit à quel endroit, il y a un petit théâtre ici qui s'appelle Le Bout. Est-ce qu'il va jouer là quelquefois? Non, on n'a pas encore. Oui, c'est vrai qu'on devrait le démarcher. Là, il a joué dernièrement, il était l'invité d'honneur d'un festival de théâtre. Oh. Près du Mont, à La Flèche. Donc, on a été reçu 3 jours. Et il a joué dans un théâtre à l'italienne. C'était magnifique. Hey, c'est bien, c'est beau, c'était un théâtre à l'italienne. Oh, c'est superbe. Ça voilà. Fait professionnel surtout. Hein, ça fait quelque chose de. C'est très solennel, très élitiste. Hein. Tu rentres là. Ouais. Et... Ouais, c'est très beau, c'était très beau. On a été bien reçus. Il a joué combien de fois depuis le début? Oh, il a dû jouer une... C'est une bonne question. Je dirais une cinquantaine de fois, sans compter les répétitions. Les répétitions, ouais, c'est... Les répétitions, non. Je sais pas combien on a fait de répétitions, mais... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Comment? Mais qu'est-ce qui se passait pour toujours reprendre? T'es une vraie perfectionniste, t'es quelqu'un qui lâche pas le morceau. Mais... comment dire, c'est difficile à apprendre. Après, il y a des gens qui apprennent plus vite. Mon fils est comédien également. Il apprend très, très, très, très vite. Okay, lui, c'est dur à mémoriser. Mais comment dire, Jean Hung avait plus de mal à mémoriser. Et puis il y a mémoriser, puis après il y a le jeu. Enfin, c'est pas facile. Il reste pas devant son micro, il est quand même dans l'action. Il bouge. Oui. Parce qu'il y a des humoristes qui sont là devant un micro, le stand-up, stand-up. C'est vrai. T'es ouais. Debout devant ton micro. Il y en a au contraire qui bougent comme Smile. Oui, ben lui bouge. Il bouge beaucoup. OK. Et d'ailleurs, il a commencé sa carrière par du mime. Est-ce qu'il l'emmène dans son spectacle? Oui, il y a un peu de mime. D'ailleurs, il en avait un qui était très bien, que j'aurais aimé qu'il reprenne. Dans son ancien spectacle, il faisait un mime de quelqu'un qui va chez Ikea. Et OK. Et j'ai adoré, j'aimerais qu'ils le reprennent. Mais ça pourrait être un rappel, ça serait bien. Ouais, c'est mais les humoristes n'ont pas de rappel, ils devraient. Ils devraient? Ben ouais, oui. Je suis absolument d'accord. Avoir ce petit sketch-là comme rappel. Oui, exactement. C'est une très bonne idée. D'ailleurs, j'en avais parlé et bravo. Ah, en tout cas, ok, ça vient de toi, ok, ça vient pas. Ah non, mais je disais, tu devrais, enfin, comment dire, quand les gens te demandent un petit truc en plus, joue-le, quoi. Ben oui. Comme par exemple, des fois, il invente, par exemple, le week-end dernier à La Flèche, quand on était tous ensemble, le soir qu'on dînait, il faisait le pitre et il trouvait en fait des gars comme ça en parlant, notamment sur l'école, à un moment où il est parti, il a commencé à divaguer et tout ça, et tout le monde était coulé de rire. Et t'as-tu enregistré? Il devrait l'enregistrer. Ben, j'ai un petit magnéto, c'est même pas 80 euros. Oui, c'est vrai. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu te rappelles ce que tu viens de faire? Parce que c'était fabuleux, tout le monde était coulé de rire. Tu nous as fait un sketch. Tu as un peu improvisé, et voilà, il est très bon en improvisation aussi. Et une fois que le sketch est terminé, enfin une fois qu'il a terminé, en fait, il le fait parce que c'est lui comme ça, il est dans la vie, il est très drôle. Il joue pas drôle, c'est lui. C'est lui. Eh bien, il oublie, en fait, il oublie tout. Bon, ben ouais, mais il est en transe, c'est pour ça. Ouais, et quand on est en transe, lorsqu'on revient, on dit qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est le rire surtout qui alimente là, quelqu'un qui fait rire, il va toujours continuer. Ouais, puis là, il sent qu'il y a une veine, il sent qu'il y a un circuit, il sent que. C'est vrai, qui alimente. Oui. J'avais un ami comme ça qui est décédé il y a quelques années, qui était avocat, et qui était l'homme le plus drôle que j'ai jamais rencontré. Enfin, aussi drôle que Jean-Hu. Je ne peux pas dire que Jean-Hu est moins drôle que mon ami avocat. Et d'ailleurs, il était venu voir le spectacle de Jean-Hu Glim. Et en sortant, Jean-Luc m'a dit, mais ton ami, il est tellement drôle. Il m'a dit, mais c'est moi l'humorisme, en fait, il me fait rire. Il m'a il nous faisait tous rire. Il arrivait même quand il plaidait à faire rire les avocats, les juges et tout ça. C'est quoi, c'est par les jeux de mots par, par des jeux de mots. C'était, mais alors déjà, il avait un physique assez... Ouais, des fois, c'est de la mimique. Hein. Voilà, okay. Mais il avait une intelligence du mot, de la réplique. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi drôle. C'est la vivacité d'esprit. C'est la vivacité d'esprit, incroyable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'était extrêmement drôle. C'était un gag. Ben, il aurait pu écrire des scénarios, écrire des pièces rigolotes. Incroyable. On a perdu quelqu'un qui s'ignorait. Ouais. Comme Pierre Desproges, il a commencé sur le tard. C'est Guy Bedos qui lui a dit « Hey, t'es drôle, monte sur scène. Mm-hmm. » Puis il est mort très jeune à 40 ans. Donc mais lui, c'est qu'elle sorte d'humour. C'est l'humour absurde, l'humour quotidien. Lequel? L'ami qui est avocat? Non. Celui que tu chapeaux. Ah oui! Oh, c'est... quand, par exemple, quand il a fait, par exemple, sur l'école, c'était... C'est reprendre en fait des choses, des choses qu'on a tous vécues à l'école, okay. Et puis de les amplifier, la dérision. Enfin oui, en dérision, de les amplifier, tout ça en faisant des mimiques, en faisant des gestes, en jouant, en se mettant dos contre le mur. En plus, il est très grand, avec des grands bras. Il est imposant. Il commence à gueuler. Il a une gueule. Il a une gueule. Il est scénique. Il bouge, c'est-à-dire il arrive quelque part, tout le monde le regarde. La okay. manière dont il s'assied, il a un clown, comment dire, en lui. Par exemple, quand on est parti prendre le train, quand on est rentré, quand on était sur le quai, et donc il y a les contrôleurs, il y avait le match de foot, la France qui jouait contre. Ouais. Voilà. Et lui, il déteste le foot. Moi aussi. Et donc il a commencé à hurler, parce que le contrôleur lui disait oui, alors c'est. On est à deux, les, chaque équipe et tout ça. Et il commence à gueuler, mais moi j'en ai rien à foutre du foot, vous nous emmerdez tous avec ça. De toute façon, pour moi, un bon footballeur est un footballeur mort. Alors toi, tu roulais par terre, tu roulais de rire. J'étais là-bas. Il y a des contrôleurs qui m'ont dit, c'est votre mari. Oh, non, j'ose pas. Non, j'oserais jamais. Non. Et tout le monde le regardait, il partait comme ça. Est-ce que ça riait ou si c'était... Il y avait certaines personnes qui riaient, d'autres qui riaient un peu moins, qui se disaient, mais il est complètement taré. C'est ça, oui. Il pète sa coche, comme on dit chez nous. Voilà. Il pète sa coche. C'est très joli, ça. Oui. On l'a sorti de l'asile pour nous. Oui, c'est ça, appeler l'ambulance puis embarquer là. Il y a quelque chose qui se passe là. Et parfois, c'est... sur l'école, par exemple, qu'est-ce qu'il racontait sur l'école? Qu'est-ce que je pourrais jouer? Ah oui, oui, parce que c'est beaucoup ennuyé à l'école. Okay. C'est beaucoup ennuyé. Il a fini son bac quand même? Même pas. Il a même pas eu. Je crois qu'il a eu son brevet. Non, moi, c'est écrit. C'est déjà le minimum. Ses parents étaient complètement découragés et ça ne l'intéressait pas. Ben, Truffaut non plus, c'est devenu un génie du cinéma donc à l'école. Truffaut aussi à Issel. Il racontait justement sur l'école, il disait, c'est un calvaire, en plus moi j'étais grand. Alors, on nous assied 8 heures par jour sur des chaises avec deux parents aux fesses. Alors il disait, moi je passais mon temps entre les deux parents aux chaises, une fois comme ça, et comme ça me faisait mal aux fesses, mal au cul. Oui. Et alors après je me remettais comme ça et j'avais mal. Et pendant 8 heures comme ça. Il dit, vous rendez compte, mais c'est un enfer. 8 heures par jour. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ok, c'est de prendre la situation et de la grossir. Oui, de l'amplifier, de la grossir, de la. C'est de mettre le doigt dessus et de presser sur l'événement. Mmh. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as été photographe? Alors, mon père faisait beaucoup de photos et il avait à la professionnel. Maison. Non, il n'était pas professionnel, mon père, mais il est peintre, hein. Il est artiste peintre. Ah, ben là, ok, c'est de l'iconicité, c'est l'image. Voilà, c'est l'image. Et donc, quand on était petit, chez nous, dans la maison, il avait, il avait construit un labo photo. Il avait un DeRS, un agrandisseur. Ah, donc, une chambre noire. Une chambre noire. Et donc, il développait ses propres photos. C'est vrai? Ah oui, noir et blanc, moi. Ah ouais, mais c'est ça. Ouais, ah, c'est merveilleux, ben oui. Voilà. Donc j'étais, j'allais dire, initiée toute petite. Là. Ensuite, j'ai vu un de mes premiers petits copains dont les parents avaient également, c'est amusant, parce que dans un lycée, ses parents étaient professeurs, directeurs d'un lycée, et ils avaient dans le lycée, pareil, un labo photo. Donc j'ai une chambre noire, donc j'ai continué en fait à... Oh tu vas bien? C'est mon invité surprise. Voilà, c'est l'invité surprise. Oh, ma chérie, tu vas bien? Bah, merci, mais toi aussi. Marie Noël. Enchantée. Si c'est qui, on dirait une interview, tu sais, qu'on se oui, c'est une rencontre radiophonique, oui. Sans plein ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Sans plein ça. Alors, je vais d'abord Gérard au téléphone, je vais y aller pour le 14 juillet, ça va lui faire plaisir. Ah, tu vas là-bas pour le 14 juillet? Oui, depuis le temps qu'il veut que je vienne. Ah, ça va lui faire très plaisir. Hein. Après, il voudrait peut-être aller faire un petit tour à Douarnenez, mais au mois d'août, je lui demande de garder mon chat. Ah, il va être là-bas alors du coup? Oui, d'accord. Il va être à toi, t'es où? Moi, je pars au Festival d'Avignon la semaine prochaine. Super. Oh, Maman? Mm-hmm. Ça, c'est... T'as écouté ma musique? Oui, j'ai écouté. Délicieuse, ma musique. Ouais. Délicieuse. Je trouve que t'aimes pas. J'aime. Errance rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Après, dans le sud, puis après, je... C'est les vacances. Je vais naviguer. Je te laisse à ton interview, oui, ma belle. Gros bisous. Bon, je vous la rends. Oui, merci. Je vais parler de Gérard. Je ne vais pas encore parler de Gérard, mais je vais parler de Gérard aussi. Parce qu'en fait, c'est la fille d'un ami qui est Zigane, okay. Et dont je me suis occupée, donc je m'occupe encore. Ça, c'est encore une autre histoire. Qui est chanteur, musicien? Non, qui est écrivain, ancien boxeur, champion de France de boxe. Qui a fait des championnats d'Europe également dans les années 60. Il a pas reçu beaucoup de coups puisqu'il écrit. Voilà. Donc il y a encore un peu de mémoire. Et donc je me suis intéressée en fait il y a une douzaine d'années en fait à la culture rome et tzigane. Voilà, donc j'ai organisé une grande soirée dans un hôtel, la Louisiane, dans le 6e, autour de la culture rome. Il y a eu beaucoup de succès, il y a eu 500-600 personnes qui sont venues à cette époque-là, donc avec des artistes roms, plasticiens, sculpteurs, musiciens aussi. Et musiciens, ouais. Absolument. Les yeux noirs, le groupe Les yeux noirs, c'est merveilleux. Ah, c'est connaissez-vous merveilleux. Oui, connais-tu c'est pas eux qui sont venus, mais j'ai eu la grande chance de faire venir le monsieur qui a écrit Mon pote le gitan, qui a été chanté par... Mon pote gitan, c'est un gars curieux, la la la la la. Ah oui, la, oui, la, oui, oui. La, la, la, la. C'est une vieille chanson, ça. Donc c'est Jacques Verrière, le monsieur Jacques Verrière, qui était l'amant d'Edith Piaf, est venu lors de cette soirée. Quel âge il a? Il est décédé, le pauvre. Il est décédé quelques années après. Il est décédé quelques années après donc cette soirée. Il devait avoir 80 oui. Quelques années. Ouais, ouais, oui, il avait dans les 80. Hey, ouais. C'est merveilleux. Ouais, c'est Yves Montand. Okay. Oui, oui. Donc Jacques Verrière avait écrit cette chanson qui a été chantée par Yves Montand. Dans les années 60. Ah oui, absolument. Exactement. Voilà. C'est vrai. Donc c'était une très très belle Savez-vous soirée. Savez-vous le titre? Comment? Est-ce que tu sais le titre? Voyons, du vouvoiement ou du tutoiement. Est-ce que tu sais le titre? Est-ce que tu sais le titre de la chanson? Mon pote le gitan. Mon pote le gitan, ok, parfait. Ouais, ce sera diffusé. Voilà, mon pote parfait. Le gitan, c'est okay. Très beau. Voilà, et donc à cette occasion, j'ai rencontré Gérard Gartner, qui à l'époque était sculpteur, donc après avoir été champion de boxe, avoir été le garde du corps de Malraux, et enfin bon, il a une vie... Malraux, il est quand même assez âgé. Oui, il a... Gérard, il a 83 ans. André Malraux, il a été le garde du corps d'André Malraux. Ouais, ouais. Incroyable, il y a une vie, comme il était boxeur, il y a plusieurs vies, voilà. Et donc il est d'origine de Tzigane, Rome Exigan, il est né dans les faubourgs de Paris et il a eu une vie vraiment incroyable. Il a appris à lire et écrire tout seul et il est devenu écrivain. C'est fou. Ouais, c'est fou. C'est voilà. Et donc c'est un ami. C'est un ami très proche et donc en ce moment je l'aide pour faire éditer. En fait, il a connu Alberto Giacometti, oui, le sculpteur. Il l'a très bien connu puisqu'il habitait juste à côté de chez lui. Donc il allait les dernières années dans son atelier. Il l'a rencontré plusieurs fois. C'est là, il vient d'écrire un livre sur Alberto Giacometti. Donc sa vision de cet homme-là, du sculpteur. Et donc on a trouvé un éditeur. Donc je m'occupe de ça aussi. Je suis un peu son agent, voilà. Et donc c'est sa fille qu'on vient de croiser. Voilà. Et j'en reviens pas. Voilà. Garde du corps d'André Malraux. Oui, incroyable. Hein. Et c'est vraiment. Je l'ai aidé il y a quelques années. Il a été sculpteur également. Donc et je l'ai aidé à détruire. Il a voulu détruire entièrement toutes ses sculptures, toute son œuvre. Et donc, je l'ai aidé. Tu voulais pas en garder, toi? Comment? Tu voulais pas en garder quelques-unes? J'ai un tout petit morceau d'une de ses sculptures. Parce qu'il a tout détruit. Ben non, l'idée c'était qu'il détruise tout. C'est comme Piala avec ses peintures. C'est? Piala, Maurice Piala. Ouais. Il a tout détruit ses peintures. Oui, mais Gainsbourg, il a aussi détruit. Ouais. Okay, ouais. Et d'ailleurs, Gérard, il a commencé en tant que peintre ici à Montmartre, place du Tertre. Voyons donc. Et donc, il a dessiné tout seul, comme ça. Et donc, il faisait des portraits ici. Et puis après, il est devenu sculpteur. Il est devenu embaumeur. Il a fait embaumeur. Donc, comment tu peux faire être embaumeur? Ça prend des cours? Ça prend une formation? Oui, c'est incroyable. Et puis ensuite, il est devenu sculpteur. Donc il a, Bukowski, c'est un genre de Bukowski. Parce que Bukowski aussi a fait. Il a été boucher, il a été camionneur, il a été métier. Non, mais. On pourrait même lui écrire un livre. Oui. Tu pourrais lui écrire un livre? Sur sa vie? Sur sa vie, oui. Oui, mais il me demande de rassembler. J'ai beaucoup d'informations en fait sur lui. J'ai beaucoup tous ses écrits. Non, mais tu vas le voir avec un magnéto que tu me fais parler. Oui, mais c'est exactement ce que je veux faire. Enfin, tu pourrais le faire, tu pourrais l'interviewer aussi. Ben, oui. Parce que c'est vraiment fabuleux. Et justement, j'avais pensé le faire. Le problème, c'est qu'il a du mal à parler. Donc, il faut bien préparer les questions. Vous voulez faire un film. Il y a déjà eu un film sur lui. Il y a d'autres parlé. Il a, oui. Mais comme il a confiance en moi, comme il est assez à l'aise, ça m'est arrivé de le filmer déjà. Okay. Non, mais donc tu peux être là avec lui. Oui. Puis essayer de l'aiguiller un peu ou de. Ouais, ouais. Ah, c'est fou. Il est rendu à quel âge? Comment? Il est rendu à quel âge? Quel âge a-t-il? 83. Mais là, il est. Waouh. C'est complet. L'année prochaine. L'année prochaine. On se prépare quelque chose ensemble. Ouais. À trois. Ouais. OK? Ah ouais. Excellent. Voilà. Donc pour terminer, donc il a détruit. Donc je l'ai aidé à détruire le. Puis comment ça se passe quand tu détruis quelque chose? C'est quoi? Vous êtes habillé en homme de la construction, en femme de la construction, mais vous brisez tout? Oui, alors. Il y a la plus grande partie en fait des œuvres. Il y avait moi, et puis il y avait aussi toute une équipe à Douarnenez qui a organisé la destruction finale. Ultima Verba. Hey. Ultima Verba. Ouais. Ça pourrait être le titre d'un livre, la destruction finale. Et donc moi je l'ai aidé à communiquer en fait sur en organisant des performances. On s'est bien amusé. Donc on est allé en Suisse à Genève. Donc il a amené quelques sculptures, un bio, une scie électrique. Ah oui, on a fait de l'heure actuelle avec ça. On a détruit une œuvre. Donc lui, il a amené ses œuvres pour les détruire devant le public. Voilà. Alors ça c'était vraiment chouette. On a vraiment fait. On est allé dans le sud de la France. On est allé à Marseille. Et donc à chaque fois, c'est un événement. À chaque fois, il y avait un acteur ou une actrice, un comédien ou une comédienne qui lisait toute sa biographie. Pendant qu'on détruisait. Non, avant. Sa biographie, donc il y avait un acteur, voilà. Ensuite, lui lisait un texte du pourquoi de la destruction. Voilà. Donc ça durait en gros 20 minutes entre la lecture de sa biographie. Et la destruction. Et ensuite, c'était la lecture du pourquoi de la destruction. Et ensuite, il passait à l'action, donc il prenait ses œuvres. Hey, c'est bon. Et à la scie électrique. Est-ce que ça a été filmé? Oui, on a eu ça a été filmé, photographié. Et puis souvent, ça se termine en musique, avec de la musique tzigane. Ce que je trouve bien, c'est une œuvre que l'on détruit, mais qui crée une autre œuvre. Mmh. Donc, c'est la mort et la vie. C'est exactement ça. Ah, c'est bravo. Bon. Ah, c'est excellent. Ouais. Ah, c'est sublime. Mmh. Voilà. Mais quelle vie que tu as, vraiment. Je trouve ça... écoute, je suis très fébrile. Ouais. Et là, on va revenir à la photo. À l'école, il y avait une chambre noire. On était rendu là. Ah oui, on est vraiment là. Ensuite, je suis arrivée à Paris, donc j'ai commencé des études de droit. Et ensuite, je suis venue à Paris, j'ai poursuivi en art plastique. Et puis, près de chez moi, il y avait des photographes, des boutiques de photographes, et je suis allée les voir en leur demandant si je pouvais... j'avais besoin de continuer à apprendre, et donc si je pouvais venir tous les matins travailler, mais gratuitement, enfin, voilà, j'aurais dit, je veux continuer à apprendre et à développer, à faire de la prise de vue. Ils m'ont dit, ben... D'accord, dans ce cas-là, oui, tu peux venir quand tu veux. Amuse-toi. Donc le matin, tous les matins, avant d'aller à la faculté, j'allais et je... Prendre des photos. Voilà, je faisais du développement, la prise de vue et tout ça. Donc c'est comme ça que je me suis formée. Avec quelle caméra? Avec quelle sorte de caméra? Un Canon, un Pentax? Alors à l'époque, oui, j'avais un Pentax. Comme oui, Pentax. Comme Moi, j'ai un Comil, manuel, entièrement manuel. Oui, moi aussi, c'était ça. Mais j'en ai encore. Il est à la maison. Justement, ma fille regardait mes appareils, mais les vieux, parce que maintenant, c'est numérique. Mais, oui, voilà. Non, mais moi, j'ai encore de la photo, j'ai encore une chambre noire. Ah oui? J'en ai plus, moi. La beauté de la chambre noire, quand tu vois la révélation. C'est formidable. Quand tu mets ça dans le révélateur et tu vois enfin... Après ça, dans l'hypoclearing, toute la oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ah oui. Et donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, j'ai fait beaucoup de photos d'événementiel. Enfin, ben, après, j'ai fait d'autres choses, mais ensuite, j'ai fait beaucoup de photos d'événementiel pendant plusieurs années. Say C'est-à-dire des mariages, des... Pas des mariages, okay. J'ai jamais fait de... Non, je travaillais avec un ami qui a une boîte, une société qui vend et qui loue surtout pour des artistes, pour des soirées, comment dire, pour le monde, pour des événements, du mobilier vintage. Ah oui, ok. Voilà. Et c'est la mode en plus aujourd'hui, le retour aux années passées. Voilà, du mobilier vintage. Et donc, je m'occupais de la communication de cette société et j'allais sur tous les gros événements. Donc, ils travaillaient avec Le Monde, avec la société Ricard, avec. Oh, tu prenais des photos. Voilà. Et donc, je faisais des reportages photos sur tous ces événements. Voilà, sur tous les gros événements. Donc, je suis allée dans des endroits assez incroyables. Insolites. Insolites, vraiment des beaux événements. Donc, voilà. Donc j'ai fait des reportages en fait, photos pendant des années. Voilà. Et par la suite? Alors pourquoi? J'ai fait donc beaucoup de photos. Enfin, j'ai vraiment fait de... Et c'est sur combien d'années la photographie? Mais c'est pas encore terminé, c'est encore là, non, c'est latent. Non, c'est une dizaine d'années. Et aussi, t'as fait de la photographie de plateau? Oui, sur un film. Alors, ça c'était il y a 2 ans. Okay. Donc Jean Hubli, et donc l'année dernière, d'ailleurs, on était sur le festival d'Angoulême. Oui. Voilà, on est allé au festival d'Angoulême. Donc j'ai fait de la photographie de plateau, oui, sur ce film qui s'appelle Jour de pêche, okay. Réalisé par Nano Rousseau, qui est écrivain et réalisateur. Qui écrit très bien d'ailleurs, aussi, qui est une personne assez fabuleuse aussi, vraiment un personnage incroyable. Mais tu as rencontré des êtres assez extraordinaires. Ah oui, assez exceptionnels, vraiment. D'ailleurs, je les ai présentés à Gérard Gartner, ils s'entendent très bien. Mais... ils sont fabuleux, c'est vraiment des... Mais as-tu cette volonté-là de prendre le crayon puis d'écrire un peu ta vie? Mm-hmm. Tu y penses? Oui, oui. Pourquoi il y a une hésitation? Non, parce que tu ne veux pas trop parler? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai le talent pour écrire. Mais tu connais plein d'écrivains, ils peuvent t'aiguiller et te... parce c'est que tu as plein d'événements. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Puis pourquoi garder ça pour soi? On peut faire partager ça à des curieux, des curieuses. Oui, c'est vrai. Mmh. Oh, t'as l'air un peu timide là-dessus, hein? Dans leur rêve. Oui, c'est ça. Vrai. Ça bloque, hein? On dirait que ça bloque à quelque part. Mm-hmm. C'est peut-être l'humilité. Tu te considères comme une fille humble? Oui. Oui, je trouve qu'il y a des gens plus... Enfin, que c'est pas exceptionnel ce que j'ai pu faire. Enfin, même si j'ai rencontré des gens fabuleux et tout ça, ce que je... Oh, mon esprit est un peu bizarre, mais... Oui, je trouve pas... Enfin, j'ai eu une vie assez amusante. Enfin, voilà. J'ai aussi travaillé dans l'Internet, au tout début de l'Internet. J'étais directrice Qu'est-ce commerciale. Que tu faisais? J'étais directrice commerciale au tout début de l'Internet en France. Donc, j'ai travaillé le Minitel? Après le Minitel, absolument. J'ai aussi travaillé dans le Minitel. OK. Donc j'ai vraiment connu. Mais qu'est-ce que tu faisais sur Internet, le premier? C'est la version 1 là, d'Internet, là? C'était encore en HTML, puis... C'était long avant de voir la photo. Puis, tout à fait. Puis on était branchés sur la ligne de classique et non pas sur fibre optique. Donc, tout à fait. On bloquait le téléphone pendant 3-4 heures pendant qu'on était vrai. Sur Internet. On avait les modems. Les modems. Oui. 14-4, après 33. Oui, après. C'est ça. Oui. Ouais, on est connecté. Exactement, c'est vrai. Et donc, je me souviens, j'étais équipée avec. Le père de ma fille, on avait un ordinateur, on était hyper équipés, on a eu même une des premières webcams. Hey. Et je me souviens qu'on se connectait, et je me souviens une fois, on était connectés justement avec le Québec, avec des Québécois de l'autre côté. Ah oui, mais voyons. Et c'était comme les premiers pas sur la Lune, c'était « Oh, on est là, vous nous entendez ?» Puis on était là, « On les voit de l'autre côté, c'est incroyable, c'est formidable !» Mais oui, c'est fou. En plus, c'était tellement fou. Fou et flou, parce que c'était flou, c'était du 3K, hein, je crois que c'était 3 pixels, c'était vraiment... Ah, ouais, on voyait une masse qui bougeait. Ah, c'est toi, c'est toi! C'est exactement ça. Oui! Hey, mais ça, c'est merveilleux de voir l'évolution. Aujourd'hui, on a Internet ici au café, quand ça ne fonctionne pas, on râle. Mais à l'époque, on était branchés, alléluia, on était heureux. Ce qui est fabuleux, c'est que maintenant, d'un téléphone, on peut appeler... par via WhatsApp et se voir ou Messenger oui. et voir quelqu'un à l'autre bout du monde. Sauf le mien. L'ancien téléphone, moi, c'est un téléphone pour appeler. C'est pas Internet, c'est pas, non, c'est pas vrai, d'ordi. C'est mon téléphone. Ouais. Puis en plus, il est quadribant, c'est-à-dire qu'il peut être un peu partout dans le monde puis il fonctionne. C'est pas n'importe quel cellulaire qui fonctionne en France si t'es québécois. Il y a des blocages des fois, ça dépend des... Mais moi, le mien, je l'aime parce que c'est archaïque et c'est un téléphone. C'est vrai. Puis des fois, je suis pris dans le film, mais ça, c'est pas grave. mais donc, Internet, qu'est-ce que tu faisais sur les ondes Internet au début? Consultante, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, en fait, moi, je m'occupais des grands comptes. De toutes les grosses entreprises qui m'appelaient, qui me disaient on veut de l'Internet. On a entendu parler de l'Internet. Okay, on veut se faire brancher. On veut se connecter notre entreprise en Internet. Ok, voilà. Je croyais qu'ils voulaient faire la publicité sur Internet. Non, je faisais pas de... Ok, tu voulais uniquement les brancher. Exemple, oui, enfin, moi, j'étais, café, vous voulez avoir Internet. Voilà, je voulais, j'étais, voilà. Deuxièmement, je ne m'occupais pas du tout des gens qui voulaient un abonnement. Okay. On avait un service. C'est les entreprises. Voilà. Moi, je m'occupais des entreprises, je m'occupais des bundles, c'est-à-dire de tout ce qui était contrat de partenariat, c'est-à-dire mettre de l'Internet, nos CD-ROM avec l'Internet, des bundles avec toutes les revues informatiques, par exemple, les routeurs. Donc, je passais les contrats. Donc, les gens m'appelaient en me disant, nous aussi, on veut un mois d'Internet gratuit voilà, avec notre revue. Oui. Et tout oui. ça, okay. Okay. C'est toi. Je vous fais un contrat okay. et tout ça. Donc je m'occupais de ça, mais ça pouvait être aussi avec le Presse Club de France, avec la mairie de Paris, avec toutes les, tout ce qui était. Voilà. Donc c'est pour ça que je rencontrais. C'était enrichissant ça. Ah oui, c'était fabuleux. On était jeunes, je travaillais avec Xavier Niel, oui. qui est donc maintenant qui est le grand patron de Free. Ah oui. Et à l'époque, il avait pris 50% des parts d'une boîte d'informatique, d'une boîte qui s'appelait WorldNet. Qui était un des premiers fournisseurs d'accès à Internet en France. Donc au départ, on avait, je ne sais pas, 200-300 abonnés quand je suis arrivée. C'était vraiment les balbutiements d'Internet. Puis à la fin, quand tu es partie? Je suis restée 3 ans. Oui, et au bout du compte, après 3 ans, combien... Je ne sais pas, après, il y avait des milliers, ça a explosé, un million, je ne sais pas combien d'abonnés. Enfin, il y avait énormément. 3 ans, c'était... on était rendu en nombre de millions en 3 ans. En France? Oui. Bien sûr, oui. Ah, oui. Oui, oui, en 3 ans, ça a été entre 95 et 98, il y a eu, je me souviens, il y avait des milliers, enfin, des centaines par mois de gens qui se... D'ailleurs, il y avait plein de problèmes de fonctionnement, les gens râlaient parce qu'ils n'arrivaient pas à se connecter, parce que ils n'avaient pas reçu. Le... Enfin, c'était vraiment des problèmes dans tous les sens. Hein. Mais oui, c'est allé assez vite. Et puis les gens aussi qui me contactaient pour des sites web. Ah, c'est alors ça. C'est tout le monde. Ah oui, moi aussi, je veux mon site. Ah oui, oui, oui. Pareil, des gens qui avaient créé des premières bornes Internet. Alors, ça, c'était très rigolo. Une espèce d'ordinateur dans une espèce de borne et tout ça. À la maison, ça, c'est ça? Ça il y avait une adresse chez eux, hein, c'est ça? Oui. Les gens allaient sur Internet. C'était leur ordinateur était le centre... Le serveur. Oui, le serveur, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des endroits encore à Paris où on est pas branché sur Internet? En France, excuse-moi, pas à Paris, en France. Est-ce qu'il y a des régions en France que... Non. Peut-être que ça passe mal, mais non, il y a de l'Internet partout. OK, il y en a qui sont encore sur des fibres qui sont non optiques, qui sont encore oui. dans l'ancien régime. Ça, c'est une bonne question. Oui, je pense. Après Internet, qu'est-ce qui t'a fait lâcher après 3 ans? Là, t'en avais ras-le-bol de... Non, pas du tout. Non, c'est parce que j'étais enceinte de ma fille. Et okay. donc, j'ai pris un congé maternité. Okay. Voilà. Et puis, c'était moins amusant qu'au tout début. Ouais. C'est, ce qui est amusant, c'est le départ. La naissance. Et donc, c'était vraiment, c'est-à-dire de mettre en place, en fait, moi, ce qui m'intéresse, j'adore organiser, mettre en place. Une fois que c'est mis en place, ça devient moins intéressant. Il y a une routine qui s'installe et c'est moins... Alors, ce que tu fais, c'est que tu formes les autres à te remplacer, c'est ça? Une fois que tu t'en vas, avant, tu vas former quelqu'un, tu le formes, puis après ça, tu t'en vas ailleurs, c'est ça? Oui. Ou la maison va en former un. Oui, c'est plutôt eux qui ont formé quelqu'un d'autre. Si j'avais formé j'avais un assistant mais je déposais aussi les noms de domaine. Je m'occupe aussi des dépôts des noms de domaine. Ah, oui. Ouais. HTTP, ouais, .com. Alors, au début, c'était .fr et .com. Au tout début, il n'y avait que ça. Après ça, au Québec, c'est A. Puis là, c'est rendu .qc.ca. Puis là, il n'y a presque plus d'adresse. C'est épouvantable, c'est le fouillis. Voilà. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.